Bon, c'était loin d'être tout à fait fini quand on est arrivé, mais au moins le foyer a pu accueillir une trentaine de personnes au chaud avant l'hiver. Et quel accueil! Tout le monde nous a répété que c'était très convivial, vraiment chaleureux, et qu'ils n'avaient rien à nous reprocher. Malheureusement, on n'avait pas encore perfectionné nos compétences en cuisine. Non, mais ton café, Lila, c'était du jus de chaussette, atroce. Désolée, oui, c'était imbuvable, je l'avoue. Enfin, mes repas, c'était pas mieux. La soupe était archi salée, impossible à manger. Je n'en avais jamais fait avant. Le problème, c'était aussi les plats principaux, qui avaient été réchauffés 3 fois avant d'être servis, à cause de notre mauvaise organisation à la dernière minute. Non, le pire, c'était l'état des salles de bain. Insalubre. Heureusement que tout le monde était compréhensif. Quand même, c'était inadmissible de laisser des gens pieds nus sur un sol aussi sale. À la limite de l'imprudence même. Super sympa, les pensionnaires. Nous ont aidés à tout remettre en état. Oui, il n'y avait que des gens extrêmement gentils et souriants. J'étais agréablement surprise. Maintenant que l'hiver arrive, a pris ses marques, nous allons avoir le temps de revoir notre manière de cuisiner. Et de réaménager les chambres peut-être. On pourrait facilement gagner de l'espace.